Directement des studios de C'est fou 89.1 FM à Trois-Rivières, c'est les Palmarès, c'est fou! Bonjour et bienvenue au Palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante. Ah ben non, mais je pensais que ça allait être celle-là. C'est celle-là, hein? Ah, c'est celle-là, ouais. Hey, hey, salut! Mon nom est Simon Bellerose-Veilleux. Hey, enchanté, Simon Bellerose-Veilleux. Salut! Oui. Hey, merci pour la semaine passée, encore une fois. Hey, pas de problème, on s'est bien amusé. Ben oui, c'est Simon et Jack qui m'ont remplacé la semaine dernière parce que ouais. Je n'étais pas là, maintenant je suis là. Il y avait DJ Kevin Fanfan aussi qui était là. On l'oublie tout le temps, hein? Ouais, mais c'est parce qu'il est très, très dans l'ombre. Fait que c'est ça. Ben, faut dire qu'il est dans une cage et à chaque fois qu'il fait une intervention, faut le sortir de sa cage. Oh ouais, faut qu'il allume une lumière. En tout cas, c'est compliqué. Un gros système, c'est toute une espèce d'affaire, ça va à la fin. Donc, on est avec vous pour 3 heures ce soir, jusqu'à 20 heures les vendredis soirs, sinon jusqu'à 17 heures les jeudis après-midi. Avec de la bonne musique, ça semaine de nouvelles entrées, dont du côté francophone. Du côté francophone, on a Corrigan Fest avec la victoire en chantant. Absolument. Et du côté anglophone, on va entendre entre autres Shit Disco et Buffalo Tom dans les nouvelles entrées. Les numéros 1 la semaine dernière, c'était du côté francophone, c'était quoi? Les amis au Pakistan avec Cendrillon, ouais. Lave le poil. Hey, ça c'était tellement hot cette tune-là. Cendrillon, lave le poil, ah, ouais. Avec un du côté anglophone, on avait The Bravery avec Every World is a Knife in My Hair. Yeah. Et on va avoir un paquet de belles choses pour vous, dont ma petite critique, entre guillemets, du spectacle de Tricot Machine que j'ai vu cette semaine à l'art vocal. C'était pas hier même? Ouais, c'est ça, c'était hier pour ceux qui écoutent le vendredi. Et puis aussi, on va avoir quelques pièces d'artistes qui vont être à l'art vocal, dont Yann Perrault et puis Camille Poupée qui va être là. Oui, on a aussi une entrevue avec Pépé et sa guitare qui était justement... à l'art vocal au Maquisard il y a de cela quelques jours. Donc, on a ça dans l'émission. Si tout fonctionne comme prévu, bien sûr. Donc, d'ici la fin de l'émission, un paquet de plaisir avec Simon et Mathieu. Mais on commence par les 15e positions et voici le côté francophone. Du côté francophone, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est Corrigan Fest avec la victoire en chantant. Et du côté anglophone, non, on en parle tout à l'heure. On en parlera tantôt, mais ça va être chez Disco avec I Know Kung Fu. Mais à peu près, Corrigan Fest, ça commence genre demain. Au palmarès, c'est fou jusqu'à tantôt! Ça, c'est 20h. Ou 17h. Ouais. C'est pour ça que je fais ça. Là. C'est vrai, ça. Ah ouais. J'en parlerai plus. Ah ouais. Je me souviens encore, il y a toute une vie, par-delà l'océan, au pied des Pyrénées, là-bas les maquis. Résistait dans la nuit et résonnait en cœur les chants des insurgés. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Oh, oh, oh, oh, la victoire en chantant. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. Torture, emprisonne et fusille. Mais pour chacun de nous, c'est la même misère. Et partout la famine a ce goût de colère. D'Europe ou d'Amérique, des villes et des campagnes répondent à l'appel des résistants d'Espagne. Venus soutenir la lutte contre la tyrannie, pour une Espagne libre que l'armée a trahi. Allez, allez, la victoire en chantant. Ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang. N'entends-tu pas au loin le chant des partisans? Elle est à nous maintenant, elle est à nous la victoire en chantant. portant son drapeau, devenu clandestin, reste nos idéaux. Allez, Macbeth, si la nuit est tombée sur une Europe chancelante où l'Espagne a croulé, il reste encore l'espoir que tout n'est pas perdu. Contre la dictature, le combat continue. Allez, allez, la victoire en chantant, ignore le goût des larmes, ignore le goût du sang, n'avance pas au loin. Le chant des partisans, elle est à nous maintenant, elle est à nous, la victoire en chantant. Conversation, booty construction, who shall with me in your introspection? Insurrection, oh, no protection, oh, I tried to hide my erection. I said one, two, one, two, I know kung fu. They only read between the lines, but they can't read you. They watch what you do. They'll let you know when you're not being used. Oh, boo. To do. I know Kung Fu, nouvelle entrée en 15e position, Zonglefans. Et oui, et du même nouvelle entrée, pas la même, mais non, une autre. Nouvelle entrée aussi du côté francophone juste avant avec Corrigan Fest, La Victoire en chantant. J'adore ce style de chanson-là avec Corrigan Fest, là, un peu irlandais, celtique. Ouais, celtique, j'adore ça, moi, fait que non, j'aime bien ça, puis francophone aussi. C'est assez rare, en tout cas, moi, j'ai jamais vraiment entendu ça. Ça sonne pas francophone. Sauf quand tu portes attention aux paroles, on dirait pas que c'est du francophone. Ouais, c'est ça. Dans ta tête. Ouais, ouais. Donc, c'était Corrigan Fest, La Victoire en chantant. Oui, c'est le nom de leur album aussi. Donc, si vous voulez vous acheter ça, mettez petite dépense. Ben oui, mais là, moi, j'ai hâte de découvrir le reste de l'album. Ouais, ben c'était la deuxième pièce. On a eu Je marche sur les palmarès précédemment. Donc, c'est du succès, ça, en brique. Oui. C'est un matériau. Ouais, ils sont beaucoup hein, dans ce groupe-là. Ils ont l'air d'être une gang. 4, 5, 6, 7. Et le chanteur a de l'air très irlandais. Tu sais, la petite calotte à la golf, là. puis les favoris, puis le pinch, puis... D'accord. Peut-être me procurer ça. On va aller voir les informations sur eux, voir s'ils viennent vraiment de là. Ouais. On s'en va entendre aux 14e position. On va l'entendre dans quelques minutes, Buffalo Tom avec Three Easy Pieces, mais avant... On s'en va tout de suite avec Olaina, avec l'âme de fond. Ou encore Oulinéa. Oulinéa, ouais. Les deux en même temps. On va-tu écouter les deux en même temps à place? On met les deux tonnes en même temps. Olaini puis Olinéa en même temps. Ah, excellent. Ça va être parfait. Drop in that shit, DJ. Let's push this on my head. Put it on my head. Here in my hair. Yeah. Au Palmarès, c'est fou. Katarina Fern. FM. Yeah. Sombre et c'est plein de toi pour te couler. Tu es la pole. Foncez, vous enfoncez sans arrêter. Face à face, les yeux fermés. Souris de t'avoir les embarrés. Face à face, tes yeux fermés. Buffalo Tom et Three Easy Pieces, nouvelle entrée en 14e position anglophone. Leur album s'appelle aussi Three Easy Pieces. Ouais, ils sont très originaux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment c'est malade. Mais c'est très bon, Buffalo Tom. Ouais, oh, ouais, c'est très intéressant. Et on a entendu juste avant Olina avec Olinéa, excusez, avec Lame de fond, qui est en 15e, qui est rendu en 14e cette semaine. C'est vrai, ça monte pas vraiment ça. Non, allons, on va peut-être. Ça fait juste deux semaines qu'ils sont là, puis d'après moi, ça va peut-être être les seuls. Bon, c'est ça, mais moi j'avançais le point tantôt qu'ils sont chanceux qu'il y ait eu de pas beaucoup de nouvelles entrées du côté francophone, sinon ça aurait peut-être même pas été là pour deux ouais, semaines. Ouais, t'as vraiment raison là-dessus. Enfin bon, on leur souhaite bonne chance pour les semaines prochaines. Oui. On les aime quand même. Ben oui, on les apprécie quand même. Autant que nos 13e position, dans le fond, ben non, je pense que j'aime plus nos 13e position. Parce que moi, ouais. C'est deux de mes groupes que j'aime beaucoup. T'sais, j'aime ça écouter ces pièces-là. Ah ouais? Dont Two Hours Traffic avec Nighthawks. Et t'aimes beaucoup Polyp aussi avec Super Humain? C'est très très bon Polyp. Ouais? Vraiment. Ben, mais ça? Ben, ok. Ok. Non, mais okay. Je me souviens pas c'est quoi. Écoute-là, tu vas voir, ça va être bon dans ta tête et dans tes oreilles. Au palmarès, c'est fou, au 89.1. FM, la radio campus de Trois-Rivières. T'es allé trop loin. yeah. C'était tellement To Air Traffic avec Nighthawks qui vient de l'album Little Jab. C'est une remontée de 2 pour venir se faufiler en 13e position anglophone. Et du même côté francophone, 13e position, Polype, Super Humain, la chanson Super Humain que j'ai écouté, Mathieu, je l'ai écouté. Et puis? J'ai adoré. Yes! Ben écoute le reste de l'album. Okay. C'est très bon, Polype. On accueille tous ensemble Jack des Palmarès qui fait son retour. Bonjour! Bonjour! Ça va à vous, les mecs? Ça va super. Vous êtes pas trop ennuyé de moi pendant ma semaine d'absence? À peine. Ouais, juste un petit peu pour dire que tu veux dire. Autant que vous vous êtes ennuyé de moi la semaine passée. Ouais, ouais, okay. Ah, ça, c'était terrible. C'était un gros manque. Sérieusement, j'ai eu de la misère à dormir parce que je t'ai pas vu. Ben, on en parle encore, ça veut dire que c'est gros. T'sais. Et voilà. Ouais. Et ça, c'est tellement important. J'ai été me chercher un bol pour pleurer. Oh! J'étais en train de mouiller toute la chaise. Un bol pour pleurer. Ben, tu peux sûrement faire de la soupe avec ça, quand même. C'est salé, hein. C'est ça. C'est salé. Parlant de soupe, avez-vous entendu parler de ça qu'il y a des squelettes de dinosaures qui ont été réduits en poudre pour de dragon, de la poudre de dragon. Ok. En Chine, il y a des gens qui croyaient qu'ils étaient en train de broyer des os de dragon. Ils mettent ça dans de la soupe. De là l'idée que. Okay. C'est ça qui vient avec les sacs de ramen. Dans le fond. Oui. C'est jaune. En fait, ça, au fil des années, il y a une tonne d'os qui a été broyée pour mettre dans la bouffe, dans n'importe quoi. Puis c'était supposé redonner la santé aux gens parce que c'est des os de dragon. Finalement, c'est des os de dinosaures. Wow. C'est incroyable, mais hein? Voyons donc. Ben, ça vient de la même époque que les petits légumes séchés qui viennent avec les ramen. Probablement. Oui. C'est le même pays. Oui. Sûrement. Et ça se vendait 4 yuan le kilo, à peu près 50 cents. OK. C'est le fun, hein? Ben, c'est pas ça. On passe des choses dans la vie. Calme. T'es cultivé, Jack. Non, c'est juste que à l'école, aujourd'hui, il fallait que je monte une émission, puis ben, c'est des informations que j'ai prises pour l'émission. Je me suis dit, je vais aller partager ici. Tu recycles ton matériel? Non. Pour des radios moindres? Non. Oui, je t'ai pas diffusé un matin. Bon, ben, tu vois, c'est pareil comme c'est fou dans ta tête. Non, je blague. Ça ne manque pas. Je te laisse te sortir de ce trou-là tout seul. Ah, il n'y a pas de trou du tout. On est rendu à nos prochaines positions. On saute par-dessus nos 12e, mais on va prendre une pause avant de faire ça parce qu'une pause, c'est bien mérité. On vous donne des affaires, on vous vend, on vous suggère des affaires. Ouais. Et revenez nous voir. Oui. Quoi? Ben, en fait, partez pas. Non, partez pas. Arrêtez ça. Comme ça, vous n'aurez pas à revenir nous voir. De toute façon, après la pause, il va y avoir entre autres du N-Claps et du Disco Ensemble. Je m'étais préparé une blague que j'ai oublié que je voulais la faire. Mais moi, je prépare mes blagues d'avance. Hein, je voulais dire qu'au retour, on allait entendre ça de même. Ça marche toujours pas. Non. On va entendre cette note-là. Peut-être un autre demain. Ça va être au retour, mais avant, ceci. Bonjour, vous écoutez les Palmarès, c'est fou, l'émission de la musique de demain aujourd'hui à la station qui fait pas mal la même affaire que nous autres. C'est pour ça qu'on a piqué ça d'ailleurs. Oh oui. On a piqué le slogan de la station pour l'appliquer à notre émission. Bon, on s'entend pour dire que on fait passer les chansons que les gens veulent, donc on a le droit de piquer le thème de la station pour l'émission. Parce que la station appartient aux gens et les gens nous appartiennent. Non, attends. Toi, ça fait longtemps que t'as pas ramené quelqu'un, tu sais. Genre. Les gens ne t'appartiennent pas, Mathieu. Ah non? Non. Ah. Les gens ne sont pas une propriété. Mais s'ils sont dans mon cœur, ils appartiennent à mon cœur et mon cœur leur appartient. Simon, tu viens juste d'arriver, t'as manqué toute la plus belle conversation de l'histoire de l'humanité. J'en doute pas. C'était joli. En 12e position cette semaine, on a en français Alfaro. Oui. Avec Paradis Artificiel qui est en 11e la semaine dernière. Ouais, mais. On les saute. On la fait pas. Oh, oui. La 12e, c'est Fort Pier avec Employed. Ça vient de leur album Organ Farming. On saute par-dessus ça, ça remonte d'une place. On saute straight à nos 11e positions. Oh yeah! Avec les N-Claps. Les N-Claps. Oh, on tape des mains! Okay, et ensuite. Ok, maintenant, faites le bruit de pastiche. Attends. Okay, faites le bruit de Disco Ensemble. Et de We Made Fall Apart. Crac! Vous êtes fort en bruit. Surtout Jack, mais. Appelez-moi. Il s'appelle le noir qui jouait dans le film de police. Je pense police que Academy. Personne ne sait parce que tout le monde dit que c'est le noir qui joue plastique. Michael Winslow. Chiche, mon plastiche et chiche. Chacun son échec. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon plastique et chiche. Chiche mon pastiche. chiche mon pastiche. Et chiche chique mon plastique. Et chique chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche. Et chiche chique mon plastique. Et choc électrochoc, je me choque. Maybe, oh maybe, oh maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Maybe, oh maybe, oh baby, oh maybe not. It may be too late for you to be mine tonight. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche et chiche. Chaud est mon chapeau, chamois. Chiche mon pastiche et chiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Chiche mon pastiche et chiche. Chique mon plastique et chic. Chiche mon pastiche. Les Handclaps avec Pastiche. Et tout de suite, voici notre prochaine position, c'est Disco Ensemble, avec une remontée de une pour We Might Fall Apart. Crac. On pourrait s'écrouler ensemble sous nos yeux. C'est une belle, belle, belle chanson de Disco Ensemble. Es-tu belle? Est drôle. Est ponctuelle. About the way the tap water tastes. we might fall apart. Disco Ensemble au palmarès, c'est fou, avec leur pièce qui se nomme We Might Fall Apart, remontée d'une place. C'est leur quatrième semaine de présence. Et en 11e francophone, c'était les Hand Claps avec Pastiche. Chiche, mon plastiche. Pastiche. Chiche, mon pastiche. Ça veut dire quoi? On sait pas, mais. Chiche, mon plastiche. Pastiche. Ça sonne bizarre, on change de sujet. OK. C'est bon. Tiens, les gars, on est rendu déjà à 45 minutes passé l'heure. Regardons un petit peu ce qui se passe ailleurs dans les palmarès cette semaine, parce que pour les néophytes, complétez la phrase avec moi. Pour les néophytes, il n'y a pas que les 15 francophones et les 15 anglophones dans le palmarès. Non. Il y a aussi les top 10 électroniques, top 10 lounge, top 3 canadiens. Et le top 30 des albums. Et il y a aussi, Jack, des fois, tu vas chercher quelque chose sur Internet. Ouais, ben ça, on pourra revenir ça en plusieurs, parce que j'ai pas envie que ça dure 7 minutes. Mais là, on découpe ça en morceaux, genre. Ben oui. On parle pas de tout ça, là, tout de suite. Quand tu prends un Big Mac, toi, tu le prends, tu donnes une bouchée? Non, je prends un pastiche. C'est de là que ça vient. Regardons le top 10 électronique. Nouvelles entrées en 10e position. Assemblage 23 avec Meta en 6e position. C'est la compilation Back-to-Back Botched Mixed Blended Crowbarred Cellotaped by Backdraft. C'est toute une compile, hein? Ben oui, c'est quelque chose. Tu sais, ils ont pas besoin de pochette, mais juste le titre, puis ça fait adieu. Ouais. Ouais. Vous savez quoi, les gars? Quoi? Les trois premières positions. Quoi donc? Le top 10 électronique? Ouais. Ouais, vas-y donc. DJ Eden. Oh! Qui est pas mal moins long à dire. Avec The Later After. Deuxième position, on a Victor Bermond. Je ne sais pas si ça se dit comme ça ou c'est Victor Berman. Fait que Arriving at Night. D'après moi, c'est Victor Berman. Ouais. Ben, des fois, c'est peut-être un Français qui. Puis on est resté avec Abovo en première aussi avec Movement. Je sais tellement pas de quoi vous parler, les gars. Le top 10 loud. Toi non plus. C'est ça que je dis aussi. Top 10 loud cette semaine, il n'y a pas de nouvelles entrées. On a quand même une remontée de 7 places pour King Diamond avec Give Me Your Soul, please. Demandez comme ça. C'est malade, les trois petits points sont importants. Deuxième position, Megadeth est détourné de la première position. L'album United Abominations n'est plus la première, mais bien la deuxième. Et c'est Céphalic Carnage avec Xenosapien qui a interverti de position avec Megadeth. Ben voilà, ça c'est le top loud et le top électronique. Plus tard, on fera le top des 10 canadiens et le top 30 des albums. Mais pour l'instant, c'est l'heure du coureur de la semaine présenté par la chance au coureur au 89. Oh oui, oh oui, monsieur. Et le coureur de la semaine cette semaine, c'est Bradley. Qu'est-ce qu'il y a, Jack? On dirait que c'est un film de James Bond. Golden Eyes au Nintendo 64. C'est ça. Ah, ok, ok. Le coureur de la semaine cette semaine, comme je l'expliquais précédemment, à la chasse au coureur qui est vendredi matin à 10h, l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. On a eu beaucoup de bonnes choses, mais pas grand chose de remarquable, donc c'était difficile de choisir un coureur de la semaine. J'ai quand même choisi Bradley parce que j'ai trouvé ça quand même bien. L'album s'appelle Pink Pill Program. Voici, on parlera de tantôt, voici la pièce Girl on TV dans le bloc coureur de la semaine présenté par la chance au coureur dans les palmarès. C'est faux 89.1 FM. La radio campus est de Trois-Rivières. Latitude 72. Je ne me rappelle pas la longitude. Baby, Bradley est un des artistes qui a le plus de potentiel assez fou, tel que déclaré par l'équipe de la chance au coureur, et par équipe, je veux dire moi-même. Oui, c'est Danny ça. Danny était pas là. Danny, je me trompe. Bradley, l'album s'appelle Pink Pill Program. C'est un groupe de électric pop indie. Voilà. Et puis, qu'est-ce que ça dit aussi? Ils viennent de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ils vont être en spectacle à Montréal le 18 juillet au Green Room à 20h et à Québec le 17 à 20h à l'Agité. Allez voir le myspace.com/pinkpillprogram ou encore le bradley.bz. On écoute une deuxième pièce de sa part. Voici So High tout de suite dans le bloc coureur de la semaine. Parce qu'on se gâte. On aime ça, on est fin. Restez avec nous parce que plus tard, ça va être la deuxième heure avec des artistes tels que... Tel que... Raté complètement, c'est pas grave. C'est deux pièces de Bradley, le coureur de la semaine cette semaine. L'album qui s'appelle Pink Pill Program. Et si vous voulez plus d'informations, encore une fois, allez voir bradley.bz ou myspace.com/pinkpillprogram ou encore, plus facile, passer par le site de l'émission www.unechance.com. C'était le coureur de la semaine présenté par la chance au coureur les vendredis matin de 10h à 13h et les samedis et mardis de 14h à 17h. 14h à 17h, voilà. C'est l'émission qui découvre les nouveautés musicales avec vous. T'en dis beaucoup, toi, des mots dans une phrase, monsieur? Tu dis ça souvent, toi, dans chaque semaine, ça? Non. Oui. Retour à nos palmarès. On retourne à nos palmarès, c'est fou, les gars. Mm-hmm. Ah, ça, je connais ça. On avance un peu, là. On est rendu quand même à nos positions numéro 10. Number 10. Ça approche dangereusement. Genre... Là? Là. C'est ça que tu voulais dire? Oui. On est rendu là, c'est-à-dire dans quelques minutes de Klaxons avec Two Receivers qui remontent de notre place en 10e position holophone. Mais immédiatement là, une chanson de la formation The Brick qui s'appelle Avec Toi. Au palmarès, c'est fou! 89 à la radio FM. De ton information, de ton avis. Avec toi sur la lune, on va toucher au soleil. À Chamon dans les dunes, en plein pays des merveilles. Avec toi j'ai fait la guerre, sans penser à demain. Pour ensuite faire l'amour jusqu'au petit matin. Avec toi tout contre moi. Tu vis dans mes pensées, même endormi je te vois. Avec toi tout contre moi. Là où tout le monde arrête, je continue avec toi. Avec toi dans ce monde de poussière et de sang, je me sens capable de le prendre et d'y faire face pour un instant. Avec toi si tu veux, on va parcourir la terre, lui faire chanter ses louanges, lui faire vomir ses enfers. Avec toi tu contre moi, tu vis dans mes pensées, même en temps où je te vois. Avec toi tu contre moi, là où tu m'arrêtes, je continue avec toi. Et maintenant, on passe à la position numéro 10 anglophone. C'est The Klaxons. The Klaxons. Est-ce que vous vous souvenez la première fois que DJ King a prononcé The Klaxons? Les klaxons. Ouais, les klaxons. C'est chic. Je pense qu'on peut même pas le refaire avec l'accent aussi québécois, pur laine, francophone qu'il y avait. Klaxon. Clac, clac, klaxon. Mais je suis même pas capable. Avec Two Receivers. Au palmarès, c'est fou. La musique radio. De Trois-Rivières. La musique de Trois-Rivières, demain, aujourd'hui. La musique de Trois-Rivières au Cap-la-Madeleine. Quoi? autres là. Dixième position anglophone avec Klaxons, les gars, là. Ouais. Quand je parle, écoutez-moi. Mm. Non, j'ai pas assez d'autorité, je m'excuse. Allez, c'est moi l'autorité. Quoi? Ouais, c'est vrai. Bon, Simon, est-ce que je peux parler, monsieur? Non, laisse-moi finir ma phrase parce que c'est moi qui te mène. Witch, Jack, Whoopa. Whoopa. Whoopa. On va sortir le fouet. Donc, qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Simon? Oui, oui, je sais plus. Non, c'était Klaxons avec Two Receivers en 10e position en Japon. Et juste avant, en francophone, c'était The Brick avec toi. Avec moi? Avec toi. Ah. C'est une remontée de 3 places. La semaine dernière, ils étaient en 13e pour les gens qui savent calculer. Et c'est un grand hasard, mais c'est la fin de la première heure des palmarès CFI pour cette semaine. Donc, résumons un petit peu les positions 15 à 10 qu'on a entendues depuis le début. C'est malade. 15e position en francophone, c'est une nouvelle entrée pour Corrigan Fest avec la victoire en chantant. 15e la semaine dernière, 14e cette semaine au Linéa avec Lame de fond. 13e, Polype avec Superhumain. Alpha Rebecca! Paradis. Paradis artificiel qu'on n'a pas entendu cette semaine en 12e. Les Handclaps avec Pastiche descendent de 2 pour se loger en 11e et remontent de 3 pour The Brick avec toi. Du côté anglophone, nouvelle entrée cette semaine, 15e position avec Shit Disco avec I Know Kung Fu. 14e position, nouvelle entrée aussi avec Buffalo Tom, 3 Easy Pieces. 13e position était en 15e position la semaine dernière, donc ça remonte tranquillement avec Two Hour Traffic et la chanson Nighthawks. 12e position, on avait Ford Pierre avec Employed, qui n'a pas joué, mais qu'on aime. Non, celle-là, elle a joué, mais c'est l'autre d'après qu'on n'a pas fait jouer. C'est elle, non, c'est celle-là qui n'a pas joué. Elle. Effectivement. Non. 11e position, on avait Disco Ensemble avec We Might Fall Apart. Et finalement, 10e position, avec The Klaxons, ou juste Klaxons avec Two Receivers. Dans la deuxième heure, restez là parce qu'on va entendre entre autres la Loi des Cactus, la Baroque Machine, Map, Camionnette, Megadeth, Tiger Army, The Bravery, The Fall of Troy et nos voix respectives. Et évidemment. Et celle de Pépé. Oh, Pépé, on va voir. Pépé. Ben, on devrait. Peut-être, peut-être. Faut jamais dire à l'avance qu'est-ce qui va se passer pour les entendus parce que ça se peut qu'ils soient trop sous. Et on va entendre un paquet d'autres affaires, dont des artistes qui vont être à l'art vocal, Yann Perrault, d'autres affaires comme ça. Et on va entendre aussi du Tricot Machine parce que j'ai été voir le spectacle. Donc, tout ça, c'est ce qu'on a de prévu d'ici la fin de l'émission. Restez avec nous. Au retour, plus de musique et de plaisir. Que des hits! C'est la deuxième heure des palmarès, c'est fou pour la semaine du 6 au 12 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante. Mon nom est Simon B. Veilleux. Oh, mon nom est Jack Despalmarès. Ah, DP. JDP. Jack DP. JDP. Aussi Jack, directeur des programmes. Simon, t'es clairé. Yeah. Ok, t'es pas clairé. Merci. Jack l'éventreur, non? C'est pas toi? Ou Jaco qui mangeait ses frites dans l'annonce de McCain. J'ai déjà voulu refaire cette annonce-là. Je quelqu'un l'ai fait, qui m'a volé mon idée. Bon. Ah. Bon, vas-y. Moi, je l'ai fait, mais pas de caméra. Super impact. Je l'ai fait, mais pas de frites. Ouais. Donc, je sais pas. Deuxième heure, il nous reste encore 2 heures avec vous pour de la bonne musique. Et on commence par nos positions numéro 9. On est rendu à entendre Megadeth avec À tout le monde, mais avant... Avant, francophone, disons. Ben oui. Ben oui, la Baroque Machine avec Robot Academy. Il est là depuis 3 semaines, hein, juste 3 semaines. C'est excellent, ça, par exemple. Hein? Oui. Ben... Dans son tour sans robot, juste pour leur rendre hommage. C'est drôle, tantôt, tu disais pas de TV, pas de caméra. J'ai voulu faire un show, pas de public. C'est un show du Go La Pointe. Jusqu'à 20h, vous écoutez le palmarès de C'est fou 89.1. Parce que ça me tente de parler jusqu'à temps qu'on pogne un poteau à maner. Mais... Pas compliqué. Pas facile à pogner, ce poteau-là. C'est un peu répétitif, Jack, par exemple. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que t'en penses? Ben, je pense, que c'est bien. Veux-tu on devrait pincer? Le gars, ça commence. Non. Non? Non, okay. Pas encore. On va l'attendre, hein? On va parler par-dessus. Attends, ouais. Là. Non. Non? OK, attends. Probablement que ça devrait être dans... Là. 4, 3... 2, 1, millionnaire, convergent, commercial, approuvé par l'industrie, généreux, sympathique.

C'était Megadeth en 9e position avec Tout le monde. Tu peux dire à tout le monde. À tout le monde. On est obligé de le dire avec un accent, c'est des mots français. Mais le gars, il dit avec un accent. Gueux. Moi, j'aime ça, dire ça avec un accent. Okay, tout le monde. Ok, les gueux, ça fait. Ok, c'est un très mauvais jeu de mots. Oh, attends, j'ai pas. Répète ça, voir. Ok, les gueux, ça fait. Ah, ok, j'avais pas vu ça. Et en 9e francophone, c'était la Baroque Machine avec Robo Academy. Absolument, ça, c'est les 9e, donc on est rendu à nos 8e. Si on suit comme faut, on passe directement aux prochaines pour avoir du temps pour tout ce qui s'en vient parce qu'il y a des tonnes de choses. Donc voici Matt. Et take the money and run au Palmarès C'est Fou 89.1, la radio campus de votre QTR. La musique de demain, aujourd'hui. Le chat sort du sale, la peu spéculative et claire. Mais cette année coule, personne n'y échappe. Mais cette année coule, personne n'y échappe. Take the money and run. Vous avez joué nos chemises perdues au blackjack. Trip pour que ce plancher du Nasdaq. Les titanés coulent, personne n'y échappe. Les titanés coulent, personne n'y échappe. Coming on. for so long. But for so long. For so long, I felt this way for so long. Tiger Army! Au palmarès, c'est fou avec la pièce Pain de leur album Music from Regions Beyond. Ici dans les palmarès, c'est fou l'émission de la musique de demain, Right Now. Et juste avant, on avait Map qui veut dire Moro Pose en paix. Non, Moro Pourri. Ouais, Moro Pourri. Moro Pourri. Avec Take the Money and Run. C'est un jeu de mots, faut dire à chaque fois parce que les gens, tu sais, c'est comme à la radio, ouais. Fait qu'ils savent pas, tu sais. N-R-O-N. C'est ça, comme la compagnie qui a volé ses employés. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, leur album s'appelle Repose en paix, comme tu disais, ça a descendu de 5 positions. Et big deal quand même. Je suis plein d'anglicisme aujourd'hui. 7 semaines de présence sur le palmarès. Eh oui. Et on oui. est rendu à nos positions numéro 7. On saute par-dessus numéro 7. Ah oui, on fait ça. Mais disons ce que c'est quand même. Numéro 7 francophone, tiens donc. On avait Camionnette. On n'aura pas. En tout cas, on l'avait. Bon, on les a pareil. La prochaine. On les a pareil. Oui. Avec Jouer dans les airs. Dans notre cœur. Ouais. Et du côté anglophone, Mathieu. Ouh, du côté anglophone. Quoi? On s'offrirait The Fall of Troy avec Cut Down All the Trees and Name the Streets After Them qui descend de 3 position. C'était leur 5e de semaine de présence cette semaine. Leur album s'appelle Manipulator. Mais c'est pas grave, tu sais, dans le fond, parce qu'on s'en va écouter la 6e position. Fait que ça va être parfait. C'est quasiment mieux, je dirais. Oh oui, c'est vraiment mieux. Presque. Reste avec nous parce que plus tard dans l'émission, on va entendre les positions 5 à 1, entre autres. Je nomme des artistes comme ça. Les Prostiputes, les Ghoul Air, les Amis au Pakistan, Pépé. Quoi d'autre? Metric, Feist. Feist. Je suis jamais capable de dire ça. Foulst. Et Vincer, tiens, on va tout entendre ça. Tout ça et de la musique de l'art vocal, parce que l'art vocal, oui. C'est pas fini. Là. Si vous écoutez live le vendredi, c'est pas encore fini, ça. Là. Qu'est-ce qui s'en vient, justement, ce soir, à l'art vocal? Oh, ben tiens, hey, on parle-tu un peu à placoton? On parle un peu de l'art vocal. On jase, là. Mais il y a une chose très intéressante. Moi, j'ai travaillé pendant les 6 premiers jours de l'art vocal à présenter les ensembles vocaux de l'Auto-Québec. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est, les ensembles vocaux de l'Auto-Québec, Mathieu? Simon, question. Allô, Simon. Oui. C'est quoi donc ça? Ah, petites scénettes qui sont installées. Il y a 5 scènes, en fait, qui sont installées sur la rue des Forges. Il y a 4 scènes sur la rue des Forges et une scène au flambeau. Vous savez le flambeau en avant du... Non. Simon. Oui. C'est où ça, le flambeau? Le flambeau, là, c'est en face du poste, du bureau de poste. Ah. Marché, vous allez le trouver. le genre de petit genre de tu sais? Oui, c'est un genre de rond. Exactement. Une forme, en tout cas. Oui. Et ça, c'est... Moi, j'ai présenté ça les 6 premiers jours. C'est très intéressant. Il y a des groupes très, très, très cool. Coda. Ça, c'est... j'ai vraiment trippé. Allez voir ça. Il est situé à peu près en avant du temple, la scène de Coda. Okay. C'est 4 gars qui font des chorales un peu comme des Simpsons, tu sais, les C dièses, là. Oui. Barbershop Quartet. Ouais, exactement. Ouais, et là, ils font un ensemble vocal comme ça. Ils font plein de chansons, de plein de répertoires. Ça va du Passe-Partout aux années 60. Ils ont des medley. Ouais, tout à cappella. Cool. Ils ont un gars qui fait des sons. C'est malade, là. Il y a aussi, pour les plus classiques, il y a la famille Baudouin qui sont là depuis le début de leur vocal. Et eux, c'est vraiment une famille. Donc, 2 filles, un père et une mère. 2 filles qui sont au conservatoire. Un père qui est professeur de musique et une mère qui est infirmière. Mais c'est vraiment très, très bon. On a Bye Bye Nuage aussi, qui est un groupe très, très intéressant. Là, je les nomme pas tous parce que je les ai pas travaillé avec tous, mais pour ceux que j'ai vus, c'est très, très, très cool. Et pour en revenir à ce qu'il y a ce soir, c'est du gros rock, hein? Mm-hmm. C'est très festif. À 20h, on a Xavier Caféine, qu'on fait jouer très souvent ici. Et, un habitué. Ouais. Oui, ben oui. Il va sûrement penser à nous, sûrement pas. Sur la scène McDonald's à 20h et à 21h, là, c'est Price Test. C'est du hard rock assez violent. Un groupe de Montréal. Et on a le chanteur de Motley Crue après ça, dans le fond. Qui fait Vince Neil. Ouais, Vince Neil. Ça va déménager, d'après moi. Ça va être assez solide comme groupe. Puis, Librairie Crémant-Morin. Ça, c'est la Coupe aux Livres. tu sais, le nouveau truc qui est ouvert, là, t'achètes une coupe, tu lis un livre. Il y a Marie-Pierre Guilbeault. À 20h, il y a Soraya Benitez à la Maison de la Culture. 21h, au Maquisard, on a Randy Bashman qui a l'air d'être un jazzman, guitariste assez débile aussi. Et il y a Yann Perrault qu'on devrait entendre très bientôt à l'Embuscade à 23h aussi. Et c'est déjà débuté. Non, ça va débuter dans une demi-heure, à 19h. La scène Caisse des Jardins, la chorale de l'université, Notre-Dame de Louis-Hélène. Du Liban. Ça vient du Liban, c'est pour ça que je suis pas capable de le dire. Alors, c'est donc, ce qu'il y a ce soir. Et ce soir, ben ça, on parle de vendredi. Si on est en diffusion. En rediffusion, ben oubliez ça, c'est fini l'heure vocale. Exactement, donc c'est pour les auditeurs du vendredi soir. Il est, on est le 6 juillet à 18h26, 28 secondes. Oui. Voilà. Donc restez avec nous encore une fois, Palmarès c'est fou, jusqu'à 20h les vendredis soirs, jusqu'à 17h le reste de la semaine, c'est-à-dire le jeudi. C'est pas mal ça, le reste de la semaine. C'est comme le seul jour important. Ouais, c'est ça. Pendant qu'on s'en va entendre nos prochaines positions, c'est-à-dire les numéros 6, on est rendu à The Bravery avec Every Word is a Knife in My Ear, précédé de... Précédé de... Ou... Ah oui, OK. Et du côté francophone, la loi des cactus. Ah! Babylon Resistance Sound System. C'est francophone, mais ça a un sale titre anglophone. C'est donc la loi des cactus avec Culture Connection. Tout de suite au Palmarès, c'est fou. La radio campus de Trois-Rivières. C'est fou. 89.1 FM avec Jack, Simon et Mathieu. Ouais. Jack, il nous ignore pendant ce bloc-là, mais il va revenir. Jack, il se bourre la face de vidéo sur Internet. Avril Lavigne. La balle. Je suis tabac. Musique venir vers toi. Entends-tu le message que transporte notre voix? Si tu te sens seul, prisonnier de tes questions, alors laisse tomber le stress et accepte notre invitation. Car autour de nous il y a tant de problèmes. Avant de changer le monde, commençons donc par nous-mêmes. Allez, joins-toi à nous et viens lancer avec le Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, bringing you down. You think you want more sunshine in a dem life? You think you want more loving in their life? Because we are fight by the sign in their line. They use them all more loving in their line. Yeah, them all rise. We not in the gun because we are fight by the sign. Get up every day and treat we like proof. Some are we hungry while you pack it them both. Kick back and I relax while out your life tough. Babylon your schemes we've had enough. Fight for your rights. Otherwise nobody now go be you them. Yeah, stand up and fight. You won't hear me, me ready not sister. And it's the Babylon Resistance Sound System. We're getting down, down, down, down. And it's the Babylon Resistance toi à nous et viens danser avec le Babylon Resistance. Every word in my ear. Pourquoi tu me le dis pas quand c'est moi qui commence? Je te l'ai dit, mais c'est ton oreille est faible, je pense qu'il a entendu. Every cat, c'est quoi? Every word is a knife in my ear, de la formation de Bravery. Voilà. Et avant? Et auparavant, on avait la loi des cactus avec Battle and Resistance Sound System. Je suis tellement bon pour diriger les gens. Que ça Simon, marche pas. Jack! Simon, Jack, Mathieu, bonjour. The Brave, oui, donc, c'est ancienne position. C'était l'ancien numéro 1, donc on a un nouveau numéro 1 du côté anglophone cette semaine. Du côté francophone, la semaine dernière, c'était les amis au Pakistan. Est-ce que ça tient? Il va falloir rester là pour ça. Jack Spence. Matt. Quoi de neuf, Jack? Baisse le son de ton ordi. Non, non, c'est moi qui faut que je baisse le son de mon ordi. MSN qui vient de faire des flocs à flanc. Ah, OK. Moi, je suis préparé pour ça, genre. J'haïs la pêche. Fait que, talk to the hand. Quoi? Je hais la pêche. Je trouve que c'est pas un sport, je trouve que c'est pas quelque chose qui est le fun. Chacun son opinion là-dessus, mais j'ai eu aujourd'hui une raison de plus pour haïr la pêche. Raconte. Un pêcheur de la Caroline du Nord. C'est pour ceux qui savent pas c'est où, c'est sur le sud. Aux États-Unis. C'est la côte est des États-Unis. À côté de la Caroline du Sud, c'est-à-dire? Je pense que non. Mais en haut, il est possible que... Ah, cool. Le monsieur voulait prendre un poisson-chat. Il croyait avoir un poisson-chat au bout de sa ligne. Il a pêché un piranha. Oh! Le monsieur de 46 ans, Jerry Milton, était dans la rivière Catawba. En tout cas, il était dans une rivière. Il a essayé de, comme on dit en bon français, de prailler la bouche du piranha avec un couteau. Le piranha a mordu tellement fort qu'il y a des traces de dents dans la lame du couteau. Calvin! Wow. Un poisson de 500 grammes, un demi-kilo, là. C'est un monsieur, là, le poisson. Tu le regardes, tu dis « Bonjour, s'il vous plaît, partez pas avec mon doigt. » Non, non, sérieusement, là. Et puis, on soupçonne que le poisson a probablement été jeté par quelqu'un qui le voulait plus. Mais c'est parce que c'est dangereux. Ah ouais, c'est vrai, parce que c'est ça que je disais. Il n'y a pas de piranha aux États, là. Ben, c'est ça, je me suis dit, pourquoi il y aurait ça, là? C'est en Amazonie, les piranhas. Ouais, c'est ça. Et on espère juste que ce soit comme... Le seul? Ouais, ça n'est pas reproduit par lui-même. Parce, ouais, c'est ça. On sait pas si à la base, il y a eu un couple de piranhas ou c'est une piranouille. On sait pas. Sauf une piranette. Une piranoune. Sauf que ce qu'on sait pas, c'est est-ce qu'il y en a plus qu'un? S'il y en a qu'un seul, OK, c'est correct, il a été pêché. Mais s'il y en a plus qu'un et qu'il se reproduit, c'est très, très, très dangereux pour l'écosystème de la rivière Catawba. C'est dangereux. Hey, moi, c'est sûr, si un jour je retourne à la pêche, je m'amène une vache pour mettre au bout de mon hameçon. Fait là, pour pouvoir attirer des piranhas, mettons. Mais t'aimes pas la pêche? T'aimes pas ça? Pourquoi t'aimes pas ça, la pêche? Ah, oh, t'as 6-4 heures de temps à attendre qu'il se passe peut-être de quoi. Mais voyons donc. Le jour où je vais être super en forme pour courir le 400 mètres et que je vais courir un 400 mètres, il y a des chances que j'arrive premier. Le jour où je vais être super en forme pour aller à la pêche, ça se peut, je pogne rien. Ah, mais c'est comme le golf? Oui! C'est pas un sport, le golf! Exactement. C'est technique, c'est parce que c'est tellement technique. C'est comme le à RDS quand ils font jouer des émissions sur le billard. À quand les billes à RDS? Ou le poker. Oui. Le poker. Polo. C'est pas un sport, ça. C'est... Le billboquet. Le criquet. Oh! Non, ça, c'est par exemple, ça, c'est un vrai sport. Le croquet. Moi, ce que je me demande sur les piranhas, les gars, par exemple, la question que je me demande depuis le début de votre intervention, c'est pourquoi le gars s'est pas mis sur le tuyau, ça empêche les piranhas de monter ensemble? Quoi? Hein? Dans Mario, come on! Ah! Dans Mario, on se réveille! Ouais? En tout cas. vous parlez français? Simon? Oui? Simon, tu te rappelles, tantôt, tu parlais de Yann Perrault qui allait être à l'embuscade. Oui, c'est ce oui. soir, vendredi, oui, en live et en direct le 6 juillet. On s'en va entendre une pièce de lui qui était sur le palmarès dans le passé. Voici Triste Poupée au palmarès C'est fou 89.1. La Radio Campus de Trois-Rivières. La seule et la meilleure. La radio la plus impressionnante au monde, le 89 FM à Trois-Rivières. Mon passé est une mère sans fond, pleine d'hippocampes et de scorpions. Ton âme est une grotte bondée d'or, ornée de stalactites multicolores. Un canyon fertile nous sépare maintenant. D'un côté le désert hostile, de l'autre le torrent. T'as choisi de plus me suivre, d'aller vers ce qui te grise. Avec l'énergie d'un serpent muant, j'ai huilé ma crise. J't'ai aimé jusqu'à la corde, triste poupée. J'en ai pleuré des cordes. La fonte des neiges éternelles a épuisé la folie. J'ai agi comme soleil, et je sais que tu sais, mes nuques c'est le luxe t'ont volé à moi. Oh oui, je sais, ton passé est une mer sans fond. Passe-moi Poséidon, noyé de rêve et d'adrénaline en boîte. Que d'autres ont fait dès les premières nuits du monde. Les premières nuits du monde. Tu fais pas dans la dentelle, mais putain est-ce que t'es belle. Ivresse aux maîtresses, la vie rampe à tes pieds. T'as la graine de déesse, sois louée. Je t'ai aimé jusqu'à la corde, triste poupée. J'en ai pleuré des cordes. La fonte des neiges éternelles a épuisé la folie. Je t'ai aimé jusqu'à la corde, triste poupée. J'en ai pleuré des cordes. La fonte des neiges éternelles. J'en ai pleuré des cordes. La fonte des neiges éternelles a épuisé la folie. Le succès interprovincial de Yann Perrault. Interprovincial. Dans toute la province de le Québec. Toutes les provinces de Québec. Ouais. Toute la guerre. Dans toutes les provinces de Québec. La pièce Triste Poupée, l'album nucléaire, il sera en spectacle Tonight, ce soir, vendredi, le 6 juillet, à l'Embuscade. Pendant que nous, on s'en va entendre, Call Me Poupée, qui seront eux demain soir, samedi, à l'Embuscade. Les voici avec Kiwai au Palmarès. C'est fou, 89.1. FM. We'll be right back. notre public en studio dit qu'elle aime ça, apparemment. C'est... Elle aime ça en vnouche. Nous aussi, on aime ça. C'est Call Me Poupée avec KY qui se passe. Alors, live et en direct, samedi soir à l'Embuscade. Si vous voulez aller les voir, c'est génial, Call Me Poupée. As-tu fait un jeu de mots avec qui se passe? Oui. Ok, d'accord. C'était tout à fait voulu. D'accord. C'était pas du tout une coïncidence. Non. D'accord, donc voilà. Ça, c'est le tour pour Call Me Poupée. C'était précédé d'une pièce de Yann Perrou qui s'appelle Triste Poupée. Ça vient de son album Nucléaire. Lui qui est en spectacle ce soir, vendredi 6 juillet, si vous écoutez en direct à l'Embuscade. Ça a l'air que Yann Perrou est la seule personne au monde qui a le droit de porter une coupe Longueuil. Ça, je tiens ça de source sûre, là. D'accord. Et les autres, c'est illégal. Mais Yann Perrou, il y a comme un permis spécial qui lui donne le droit de porter la coupe Longueuil. Sauf au Cap, apparemment, je pense qu'ils ont le droit. Genre. Ouais, puis à Longueuil. Ouais, c'est ça. C'est très, très répandu. Donc, maintenant, c'est l'heure d'un petit soir d'anniversaire spécial parce que, bon, j'aime ça, des fois, faire participer le public et j'aime ça exaucer leurs souhaits. Voilà. Exposer leurs souhaits. Exposer leurs souhaits, c'est ça. Donc, on a reçu un message courriel à notre adresse palmarèsetfou@hotmail.com qui dit, et je cite, « T'as une émission aujourd'hui? Une émission comme celle de la chanson coureur? » Ou les palmarès, c'est fou, peu importe. Souhaite-moi bonne fête de 25 ans en ondes en repassant une de nos chansons. Si t'en as envie, moi, ça me ferait plaisir. Mais c'est surtout pour les archives MP3 qu'on garde pour le South Shore Rhythm, parce que le gars, il est dans le South Shore Rhythm, c'est un band. Ça serait un genre de star en jeu avec le gars des vues. C'est pas grave si tu fais pas, mais merci pareil, bonne journée, puis tes émissions, c'est de la claque. Ben, bonne fête de 25 ans. Gars de South Shore Rhythm. Oui. Est-ce qu'on a son prénom, au moins? Je pense que je l'ai pas pris en note, non. Ben, appelons-le God. D'accord. Donc, c'est un des gars du band South Shore Rhythm. On donnera plus d'informations sur eux tantôt, mais j'ai envie de faire quelque chose de spécial pour célébrer leur anniversaire. Tu vas enlever ton t-shirt? C'est exactement ça. On va choisir quelques petits extraits de pièces momentanément, comme ça. On va leur donner un petit extrait de genre 10-15 secondes de chaque tune et ensuite faire jouer la dernière. Ça va être fun? Sac! Mathieu, tu parles tellement vite que je te suis pas. Mais c'est pas grave. En autant que ça se tienne dans ta tête et que ça se tienne dans la tête de tout le restant du monde. Écoute un peu à la place. Oui. Pas moi, la musique. C'est mieux, je pense. Oui. Voici pour commencer un extrait de Les deux pieds dans le sable. Voilà l'été, y'a plus de vêtements délimités. Après, filo, on se côté, mettre autour d'un feu. Les deux pieds dans le sable, c'est son du biche. Love avec les deux lits en salle, y'a pas moyen d'être sable. Sans bébé dans le sable, prête pour bébé, pense que d'accord, ça c'était les deux pieds ensemble. Maintenant, voici un extrait de Shoot tes cartes. Tu fais ça court! À la radio, toujours bien d'improviser comme ça. Voilà. Ça, c'est l'extrait de la pièce. Shoot tes cartes, voici un extrait de... Bon, je pense qu'il y a un bouton pour faire des extraits, par exemple, sur le lecteur. Oh mais bon. Mon Dieu! Bon lieu! Ça se passait dans le temps, il n'y avait pas de stress. Et voilà, maintenant, c'est... on s'amuse. Voici la pièce au complet cette fois-ci. Voici, dis-le à tout le monde au Palmarès, c'est fou. Au 89 FM, la radio la plus courte et concise au monde. La plus précoce, la plus près. Hey yo, dis ce que tu veux, mais yo, dis-le à tout le monde. C'est South Shore Rhythm qui est dans le hood, mais sauf si cherche le beef, c'est dans street. Correct, on comme on go. Brief, motherfucker, for you die, motherfucker. C'est street, release volume 2. Écoute ça, ça pète. Si t'aimes pas ça, ben reste pas là. Écoute ton beat de ta pète. Move it, Benny, on bande le star. À tous ceux qui respectent pas notre shit, y'en a qui parlent fort, y'en a qui se pensent fort, mais ça dure jamais bien longtemps. J'pense si t'es de notre bord, casse-toi même pas la tête. Sauf que si t'es de l'autre bord, tu vas avoir affaire au South Side. Hey, dis ce que tu veux, mais yo, dis-le à tout le monde. C'est South Shore Rhythm qui est dans le hood, mais sauf si cherche le beef, c'est dans le street. Correct, on comme on go. Brief, motherfucker, for you die, motherfucker. On parle de nous en bien en mal, quand on nous voit, quand on nous parle. Peu importe la critique, l'important c'est que tout le monde en parle. De bord en bord, on a tout bombardé. Barricadé, des bons beats à KGB. Patrick, South Shore Rhythm, c'est là-dessus qu'on a misé. Des birds, c'est sur le rhythm, moi j'crois que c'est sûr vous admirez. What up, boy? Mon nom, c'est Mo. Vraiment, mon pubino, et ben non, c'est beau. Put your hands up, son touch a busté. Si tu hit the floor, quand t'as vu que t'as causé nous, t'étais frosté. Ton masque, quand la masse parle en mal, on veut savoir c'est qui pour le faire sauter. Sauter! yo, yo, hey, yeah. Yo, dis ce que tu veux, mais yo, dis. Yeah. South Shore Rhythm, qui est dans le hood, mais sauf si. Cherche le beef, c'est dans le street. Correct, ton comme mon gars. Brief, motherfucker. Before you die, motherfucker. Hey, hey, dis motherfucker. Mes boys bouge, la slut. Check they won't move, parce mes boys don't talk, ils shut. Yeah, les gars, yeah, les gars. Ici, ce soir, yeah. Fuck you, man. Les gars, là, ça vous coche au 2-2 piastres pendant 10 minutes. Vous écoutez S-I-M-E-O-N. Je sais que c'est F, yo, yo. Yeah, yeah. Mon gros piqué, c'est pour ça que t'es content. J'sais pas c'est qui, mais big up man. Le verdict, big up man. Sound your rhythm, big up man. Hey yo, dis ce que tu veux, mais yo, dis. Là, tout le monde sait. Sound your rhythm, qui est dans le hood, mais sauf si. Cherche le beef, c'est dans le street. Correct, ton comme mon gars. Brief, motherfucker. Before you die, motherfucker. Hey yo, dis ce que tu veux, mais yo, dis. Là, tout le monde sait. Sound your rhythm, qui est dans le hood, mais sauf si. Cherche le beef, c'est dans le street. Correct, ton comme mon gars. Brief, motherfucker. Before you die, motherfucker. Oh boy! Les palmarès, il faut bien entendre! South Shore Rhythm avec Dis-le à tout le monde au palmarès au 89.1 FM. Et oui, demande spéciale d'un gars de South Shore Rhythm. Dis-le à tout le monde, garde pas ça en dedans, les choses comme ça. Non, c'est ça, faut les faire connaître, hein, c'est un petit band. C'est South Shore Rhythm qui est dans le hood. Voilà, on les aime, c'est pour ça qu'on rit avec eux. Ah, bonne fête! Bonne fête à oui. Eux, 25, ben pas à eux, mais 25 ans que le groupe existe. Yo! Voilà. Donc, j'espère qu'ils nous en veulent pas trop. C'est pas qu'on aime pas ce que vous faites, on adore ce que vous faites, mais on trouvait ça drôle de niaiser un peu là-dessus. Voilà. C'est dit. On est honnête au moins, tu sais. Oh oui, j'adore ce que c'est. J'ai trop bonne la toune. Oui, c'est ça. C'était. Tant qu'à faire des affaires spéciales qu'on a reçues par courriel au palmarèsifou@hotmail.com où vous voyez que vous pouvez nous écrire n'importe quoi et on va relever le défi, absolument certain. Ouais, c'est ça. Donc, on a reçu un courriel qui nous dit qu'il y a un événement qui se passe à Grand-Mère ce soir. Si vous écoutez en direct le vendredi 6 juillet, c'est Elvis Versa, gagnant des Mardis de la Relève du Gambrinus, qui vont être au Parc Saint-Paul de Grand-Mère. Ils font du rock francophone, donc ce soir à 19h30, Elvis Versa, gagnant des Mardis de la Relève du Gambrinus, rock francophone, Parc Saint-Paul à Grand-Mère, c'est ce soir, vendredi 6 juillet. Ai-je assez dit les informations? Oui. En passant, il y a Nancy qui vient nous appeler sur la ligne interactive, super hot, yes, chose. Non, c'est, on a peut-être été pas clair, c'est pas South Shore Rhythm qui a 25 ans. Là. Non, c'est non, le c'est gars de South Shore Rhythm qui m'a écrit un courriel à l'adresse hotline Super Bumper Car au palmarèsifou@southmail.com. Yes, sir, motherfucker bumper sticker. C'est bumper sticker. Voilà, qui termine pour ce petit blog de commandite. On retourne à nos palmarèsifous tout à fait standard. On est rendu à nos positions numéro 5. Et ça tombe drôle parce que justement, le CD de Pépé juste ici, on est prêt à le faire jouer. Ça en passe des choses dans ta vie, Matt. Vraiment, là, c'est quelque chose d'assez palpitant. Merci beaucoup. Avez-vous écouté, le gars, les derniers albums de Pépé? Non, pas complet. Ça fait 2 semaines que je me suis mis à écouter ça. C'est, c'est pour les amateurs de Pépé, mais c'est beaucoup plus rock. C'est beaucoup plus, ça déménage au début, en tout cas. Là. Ça déménage? Ah ouais. Mais même, je te dirais, fais passer un extrait de la première toune. Juste le début. Là. La toune de Pépé? Ouais, première de l'album. Vous allez voir là, la différence. Il était avec un groupe, là, puis ça... Bon. Hein? T'en passes des choses dans ta vie? Ouais. Tu coupes tes phrases en milieu. Yeah. Ouais. Yo, check this out. Y a-tu un bouton pour la faire changer de pièce direct, genre, comme ça? Ouais, genre. Non, faut le faire comme ça. Ce qu'on appelle le piton skip. Celle-là. Il n'y a pas de skip. Écoutez bien le début. Ça, c'est la pièce qui était récemment dans les palmarès. Ouais. Elle s'appelle Poney. Le Poney. C'est magnifique comme parole. Ça paraît-tu qu'on a du temps à perdre ce soir? Non. Pas du tout. Il reste encore 5 minutes à se taler comme ça durant la soirée. As-tu t'en rattrapé? Quand j'étais petit, je voulais faire un tour de poney. Mes parents voulaient pas m'amener. Mais c'est pas ça qu'on va l'entendre. Non, mais c'est pas ça qu'on s'en va entendre du tout parce que c'est déjà la fin de la deuxième heure, malheureusement. Je dois vous renseigner comme ça, c'est la fin. Ça se termine comme ça. On résume nos positions numéro 9 jusqu'au numéro 6 qu'on a entendu depuis le début de la deuxième heure. Jack, francophone. Francophone, on a entendu la Baroque Machine avec Robot Academy en 9e position. C'était en 10e la semaine dernière. Gunnose de Lap de 5 pour Map avec Take the Money and Run en 8e. 7e, c'était Camionnette avec Jouer dans les airs qui est une grosse Lap de 5 aussi. Et en 6e position, c'est une remontée de 2 places pour La Loi des Cactus avec Babylon Resistance Sound System. Côté anglophone, on avait... Megadeth. Oui, 9e position, le Megadeth avec À tout le monde. Juste pour toi, Jack, je dis À tout le monde. Qui est en 10e la semaine dernière. 8e position, on avait Tiger Army avec Pain. 9e, était 9e la semaine dernière, rendu à 8e. Donc ça monte tranquillement, pas vite. C'est le festival de la prononciation ouais, tête. C'est hein? fou, c'est fou. The Fall of Troy en 7e avec Cut Down All the Trees, 6e position, qui était notre première position la semaine dernière, qui est rendu en 6e. The Bravery avec Every Roll is a Knife in My Hair. Et 5e position, The Answer avec Under the Sky. La 5e position, ça va être dans la 3e. Ben oui, c'est ça. On vient de recevoir un email sur l'adresse électronique, la hotline. Palmarèsestfou@hotmail.com. Mimi nous demande de chanter une chanson a cappella, n'importe quelle, pour sa fête. OK, donc. Alors moi, je propose qu'on chante. Ben, c'est pas sa fête à elle, c'est la fête de son chat Mitaine. Oh, d'accord, Mitaine. Alors, on coupe le fond. Le fond musical. Mm-hmm. Ouais, c'est bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on chante? Ben, bonne fête, Mitaine. OK. Je pensais que c'était une chanson. Non, on va passer plus loin que ça. On est quand même, tu sais, des professionnels. Nous, on a les. On a, tu sais, il veut dire, comme c'est. Faut-tu lever debout pour vrai? Non, moi, je vais lever debout parce que je peux aller. Je peux pas rester debout parce que mon micro tombe seul. Tu peux pas parce que t'as un jet de tricot machin. On aboutit, s'il vous plaît? Bonne fête, Mitaine. Mitaine, Mitainier. Bonne fête, Mitaine. Mitaine, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Bonne fête, Mitaine. Et voilà, c'est la fin de la 12e heure des Palmarès. C'est fou, restez avec nous, on va entendre dans la 3e heure, entre autres, les prostitutes Air, les amis au Pakistan, The Answer, Feisty Metric. Restez avec nous au Palmarès, c'est fou! Bon retour, c'est la 3e heure des Palmarès. C'est fou pour la semaine du 6 au 12 juillet 2007. Mon nom est Mathieu Plante. Mon nom est Jack de Palmarès. Absolument. Et dans cette 3e heure, tout à fait remplie, je dirais qu'elle est jam-packed. Ah ouais, c'est l'heure de pointe, là. C'est complètement jam-packed sur la 5. All dress, la 5, la 4, la 3, la 2, la 1, c'est tout jammé. 82 après 6 heures, genre. Exactement. Voilà. Donc, dans cette 3e heure, un paquet de bonne musique, dont Air et puis Metric. Nos numéros 1 la semaine dernière, c'était, je le rappelle, The Bravery, qui est descendu en 6e, donc nouveau numéro 1 anglophone. Et en francophone, c'était Les Amis au Pakistan avec Cendrillon Lave le Poêle. On va aussi parler un petit peu de Avril Lavigne dans quelques minutes parce que c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Oui, c'est le fun de voir que c'est pas tout le monde qui fonctionne du bon côté de la clôture, comme on dit. Et voilà, comme les Britanniques. Et puis, c'est pas du bon côté de la rue. Et puis, on va aussi parler de ce qui s'est passé ailleurs dans les palmarès encore un peu et des disques les plus vendus cette semaine au Canada. Tout ça est ma critique de Tricot Machine. Ça devrait rentrer dans la 3e heure, mais tout de suite, voici le numéro 5 francophone. C'est Pépé. Voici Bullet Bob. Oh, palmarès, c'est fou, 89.1. Jusqu'à 20h ce soir. Ou 17h le jeudi. La musique de demain, aujourd'hui. Ça arrive pas souvent que je sors pour m'acheter des bobettes. Ceux que j'ai sont tellement usés que tu me vois la caquette. J'attends jusqu'à temps qu'ils soient usés à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Je voudrais pas vous penser que je suis juste un gros dégueulasse. Je suis nostalgique de mes vieilles bobettes, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Y'a jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne sont pas plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. J'attends jusqu'à temps qu'il soit usé à la corde. J'attends jusqu'à temps que mon moineau déborde. Y'a jamais rien qui peut les remplacer. Ces bobettes-là ne se font plus sur le marché. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob, c'est mes bobettes préférées. Bobette Bob. Bob, Babel, bab. Babel, babel, babel, bab. Travesty is the future has been laid in your hands too long. Will the journey come to an end? Will it end? Sit with the captain skies, all the evil that is locked in your head. But talk the through stories that should never be read. Can't you see? I believe in a place called hell. Yes, I do. Under the sky, I cry for you. Under the sky. Answer avec Under the Sky, position numéro 5, remontée de 3 places dans le palmarès anglophone de C'est fou cette semaine. Et en francophone, c'était Pépé avec Babet Bob en 7e la semaine dernière. Je me suis toujours dit, l'industrie de la musique devrait être originale tout le temps. Et dans ma tête à moi, il n'y a pas personne qui triche de ça. Tout le monde est original, tout le monde est unique, tout le monde fait ses propres affaires sans copier sur les autres. Je dirais peut-être le contraire dans certains cas, par contre, Jack. Ben oui. Avril Lavigne est dans l'eau bouillante, comme on dit. Parce qu'il y a une formation américaine qui s'appelle les Ruby News, qui a eu un certain succès dans le palmarès des années 70. On se demande pourquoi ils n'ont pas eu de succès avec un nom comme les Ruby News. Hein? Ben, c'était dans les années 70, c'était pas né, puis j'étais sur le bord d'eux, fait que... Ça, on l'a peut-être jamais entendu parler, mais c'était peut-être bien hot au Nevada. Peut-être. Une poursuite qui a été déposée le 2 juillet dernier en Californie par Tommy Dunbar, qui est le fondateur du groupe Rubinus. Et on dit que Avril Lavigne aurait copié une chanson qui s'appelle I Wanna Be Your Boyfriend pour la chanson Girlfriend. Donc, on va entendre l'extrait pour commencer principal, celui de... Des Rubinus ou d'Avril? Ben, c'est ce que je voulais te demander. Okay, dans le fond, c'est pas mal la question. Allons-y avec Avril en premier pour qu'on se mette en tête qu'est-ce que c'est. On écoute. Et ainsi de suite. C'est à peu près ça. Et on compare tout de suite avec la version des Rubinus qui s'appelle Boyfriend. Boyfriend. Pourquoi pas? Attention, attention, attention, c'est juste là! J'avoue, c'est pas mal similaire, mettons, hein? J'ai... Oh, OK, je me demandais qu'est-ce qui partait là, si ton MP3 sautait. Tout à fait normal. ouais, donc, vraiment, je trouve que... les paroles, un, et deux, la musique, si on veut. Pas mal, ça fait le tour, pas mal. Une chanson, c'est à peu près ça, je pense. Une parole et une musique. Ça se ressemble, mais là, c'est le PDG de Network Music Group, qui est l'étiquette d'Avril Lavigne, a dit que la prétention du groupe des Rubinus, c'est sans fondement, c'est ce qu'il dit. Lui a engagé un musicologue pour obtenir une expertise, et le musicologue dit que les deux pièces sont deux chansons complètement différentes. Bon, OK, qui a engagé le musicologue? c'est qui paye le... Il était sous, dit le pilier quand il dit. C'est ça, mais même à ça, qui donne le chèque de paye au musicologue? Qui n'aura pas son bonus de fin d'année si tu dis pas que les deux chansons sont différentes? Mais on apprend à l'école que si tu modifies quelque chose de 30% ou plus, ça t'appartient. Mais dans ce cas-là, c'est beaucoup moins de 30%. C'est le même refrain. Ouais, mais je suis obligé de faire l'avocat du diable là-dedans et de dire il y a que « Hey, hey, you, I don't like your girlfriend » puis « I wanna be your boyfriend » qui est pareil. Mais n'est-ce pas, le cœur de la chanson d'Avril Lavigne, c'est rien si c'est pas ça, là. Est-ce que tu te rappelles? Chante-moi donc le couplet, voir. Pareil. J'aurais dû enlever le fond, enregistrer ça, puis mettre ça dans les paramètres. En loop. En loop. J'aurais pu faire numéro 1, la première chanson a cappella. Hey, hey, you, look-a-look-a-foo-foo. Et compagnie. Wow! C'était vraiment quelque chose. On a un autre invité en studio qui vient de se joindre à nous. Bonjour! Bonjour, hey Jack. Ouais. J'aime ta voix. Ah, moi aussi, j'adore ma voix. Quand je chante du Miss Piggy, là, attention. Quand c'est tranquille, là, puis quand c'est rendu tranquille à la chasse-galerie. Ouais, c'est incroyable. J'aime écouter Jack. Ah, c'est. Je donne une prestation privée ce soir. Si vous voulez plus de renseignements sur cette prestation, où ça? 819-376-5183. Je donne les détails en privé. C'est un conseil à concert intime. Est-ce qu'il y a un spécial pour la barrique? Non. C'est un commanditaire, on va arrêter nos commentaires là-dessus. Ah. Ben, j'ai juste dit que j'avais pas de spécial pour la barrique. J'ai le droit de dire que je fais pas de spécial pour la barrique, qui est un excellent endroit pour s'acheter de la bière, la barrique. Très belle place, ils sont sympathiques là-bas. C'est très bonne annonce. Ouais. Super. Back to back, voici nos quatrième et troisième. On commence par les Ghouls. Voici Dimanche, remonté de deux places. En tout cas, je te dis que cette chanson-là, ça sonne comme une tonne de barrique. Les Ghouls au Palmarès et Foule, l'émission de demain aujourd'hui. Égal et docile, brise claire et les fontaines sous les ponts en perdant mon temps. Les Goules avec Dimanche, maintenant voici la quatrième position anglophone. Wow, Feist avec My Moon, My Man, suivi des Prostitutes avec Goûte à mon bubblegum. Jusqu'à 20h, vous écoutez le palmarès de C'est Fou 89.1, la musique de demain, aujourd'hui. Ça, là? Ouais. Feist. Ah, c'était bon en maudit. My Moon, My Man. C'est ça, c'est le nom de la pièce. Et juste avant, Clochette, qu'est-ce qu'on a entendu en quatrième position en français? Ah, je sais que ça a fait. Ah. Quatrième, on a réussi à manger. Les Goules avec Dimanche. Hey, première participation de notre nouvelle stagiaire, Fée Clochette. Oui. Et celle qui nous a lancé le défi de jouer à Ni Oui Ni Non. C'est ça, ça commence maintenant. Faut que moi, en tout cas, on explique les règles. Je pense que personne n'a besoin de connaître les règles. Attends une minute. Bon, Fée Clochette et moi, on a pas le droit de dire oui ou non, OK? Je vais participer aussi. Et Jack a le droit que de dire oui ou non. Non, je vais participer aussi. Alors, on commence. Tu vas participer, OK, bon, c'est bon. Donc, dans ce bloc-ci, on parle des autres palmarès, parce que pour les néophytes, la suite de tantôt, ça fait tellement longtemps qu'on n'en parlera même pas. Mm-hmm. Les autres palmarès, c'est pas seulement les 15 positions francophones et 15 positions anglophones, c'est aussi le top 3 des 10 canadiens et le top 30 des albums. Est-ce que tu veux commencer avec le top 3, Mathieu? Bien sûr, top 3, nouvelle entrée en... Hein? En troisième position, on retrouve 4P avec Organ Farming. En deuxième, c'est stable pour Feist avec The Reminder. Et en première, remontée de 2 pour Metric avec Grow Up and Blow Away. Les nouvelles entrées du top 30 des albums. 30e position, New Debut avec Frisbee. 25e, The Lucky Ones, The Pride Tiger. 15e, Shit Disco avec Kingdom of Fear. Et 13e position, Buffalo Tom avec Three Easy Pieces. J'aurais vraiment aimé ça qu'il y ait un des mots interdits dans les titres. T'aurais pas eu le choix de les dire. 3e position, remontée de 3 places pour Metric avec Grow Up and Blow Away. En 2e, remontée d'une pour Los Campesinos avec Sticking Fingers into Sockets. Et en première, pour la 7e semaine de présence, remontée d'une place pour Maximo Park et Our Earthly Pleasures. Mathieu? Oui. Vas-y, Claire. J'ai gagné. Ah, c'était facile. Non, le combat est pas fini entre toi et moi. D'accord. Et celle qui dit un mot par année. En fait, je voulais savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait ce que ça veut dire, Los Campesinos? Les campeurs? Quand même pas si. Hein, c'est ça que ça veut dire? C'est un peu plus les paysans. Ah. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est que tu savais ça. Ben, parce que... Ah, c'est vrai, t'es allé au Costa Rica. Trilingue sans bon sens. T'es allé au Costa Rica. T'en souviens? Oui. Oh! Ouais! Ah, oh, mais c'est on la reine! On dit free clochette, mais ça pourrait aussi bien être reine clochette. Ouais, c'est... C'est pas aussi okay. drôle. Jack, regardons un petit peu ce qui se passe dans le domaine des ventes. Oui! Bon, maintenant qu'on peut le dire. Oui, oui, on a pas dit une seule fois oui ni non depuis le début de l'émission, mais maintenant qu'on doit le faire. Pas de nouvelles entrées dans le top 20 cette semaine. Allons-y avec seulement les 3 premières positions. Maroon 5 en 3e avec It Won't Be Soon Before Long. La première position la semaine dernière, c'était Minutes to Midnight avec The Linkin Park. Et The White Stripes règne et domine toujours avec Icky Thump. Première position. D'accord, moi je vais faire le top des ventes sur iTunes. Regardons un petit peu de ce côté-là. Donc, du côté de Apple iTunes, en 5e position, c'est Shop Boys avec Party Like a Rockstar. En 4e, Timbaland avec The Way I Are. En 3e, c'est Fergie avec Big Girls Don't Cry. En 2e, toujours Rihanna avec Umbrella. Et en première position, on retrouve Plain White Tees avec Hey There Delilah. Moi, j'aimerais une chose avant qu'on retourne en musique. J'aimerais que si Avril Lavigne m'entende, qu'elle sache que... Oh, tu parles de toutes les Avril Lavigne quand tu dis entendre, je me dis. Non, je parle d'Avril Lavigne, la populaire blonde qui joue de la musique en Californie présentement, mariée avec Derek Wembley. C'est assez précis comme Avril Lavigne? C'est bon. Bon, si elle m'entend, qu'elle m'appelle donc. Ah, OK. 819-376-5183, live hotline. Oui, oui. J'aimerais lui demander officiellement de quitter son mari et refaire sa vie avec moi. OK, bonne chance. Non. Je veux dire, ça fait longtemps qu'on en parle. Mais je voudrais juste rendre ça officiel maintenant, là, puis direct au courant. Tu t'es fait tatouer, je pense, justement, parlant des vrilles. Non, tu m'as écrit Jack plus Avril sur la main. Ah. Différence. Ouais, c'est une différence. J'aurais pas payé pour ça. Tantôt, j'ai parlé de back-to-back entre les 4e et 3e. À la place, faisons un back-to-back 3e, 2e. On commence par Metric avec Grow Up and Blow Away, mais avant. 3e position, francophone, goûte à mon bubble game. Des prostiputes remontées de 2 places pour se loger en 3e. Au palmarès, c'est fou, 89.1. FM, la Radio Campus de Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour sortir de l'originalité de la musique de demain aujourd'hui? Rien. Allez, chérie, goûte à mon bubblegum. Ah oui, bébé, vas-y, goûte avec ton homme. Ah non, chérie, mets pas la conne. Je te passe en bouche au wingum. Ah, mets ta bouche, je veux que tu goûtes. Goûte, goûte à mon bubblegum. Ah, goûte, goûte à mon bubblegum. Ah, goûte, goûte, mon bubblegum. Ah, goûte, goûte, mon bubblegum. À mon bubble gun, il y en a plus where that came from. Fight dans ma poche si tu vas être du fun. Des bonbons roses de toutes les formes. Un boule boule, un boule de gomme. Amène ta bouche, c'est que tu goûtes. Goûte goûte à mon bubble gun. Goûte goûte à mon bubble gum. Goûte goûte mon bubble gum. Goûte goûte mon bubble gum. Surtout pas le recracher, ouais. Tu peux pas dire que t'aimes pas ça. Bubble gum. Les prostitutes égouttent à mon bubblegum. J'allais dire bubblegum. Bubblegum. Voici Metric avec Grow Up and Blow Away. Au palmarès, c'est fou jusqu'à tantôt. Ouais, 20h précisément. Ou 17h le jeudi. Ou 17h le jeudi, c'est vrai, on est en reprise. C'est pour ça que je dis à tantôt. J'oublie toujours ces détails-là, je m'excuse. Les amis au Pakistan et puis Los Campesinos et nos numéros 1, tout ça dans la dernière demi-heure des Palmarès C'est fou 89.5. Tout de suite, voici le numéro 2 francophone. Hey! Hein? Fais-moi donc une béchamel. Cendrillon lave le poil. Des amis au Pakistan au Palmarès C'est fou. Chocolat, avocat, ananas, biscuit soda et sauce soya. J'suis la maîtresse de ma cuisine. T'es la maîtresse de ta cuisine. C'est moi qui mets à gagner sur le point. C'est toi qui mets à gagner sur le point. J'lance toutes mes boîtes de conserve. Hein? Comment? Par marque? Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, lave le voile avec le chiffon. Cendrillon, pardon. Oh, oh, oh. T'as pas l'oublié de la vie. ligne glisse, ma crise. Los Campesinos avec We Throw Parties, You Throw Knives de leur album Sticking Fingers Into Sockets. C'est le numéro 2 anglophone cette semaine et ça remonte d'une place. Juste avant, c'était Les Amis au Pakistan avec Cendrillon Lave le Poil, lancé numéro 1 francophone, maintenant en deuxième place. Ce qui veut dire qu'on a un nouveau numéro 1 de chaque côté de nos palmarès. Il nous reste deux petits artistes à entendre, mais avant d'écouter ces premières positions, je vais vous parler un petit peu du spectacle de Tricot Machine que j'ai été voir le jeudi 5 juillet dernier. Hier, si vous écoutez en direct, toujours une petite référence à faire. Mais avant d'en parler, voici une pièce de Tricot Machine qui est déjà passée par les palmarès de C'est Fou. Voici les peaux de lièvre au palmarès C'est Fou. Jusqu'à tantôt. les joues rouges boréales, tes couettes noires virent au blanc comme l'asphalte. Tombe des peaux de lièvre sur Montréal. On s'éclipse du party, la neige crisse sur nos pieds, les flocons dansent doucement dans le vent. Mais c'est pas la faute du temps si je frissonne. Et nos mains se repèrent, et nos cœurs s'accélèrent. On se dit rien et pourtant on se comprend. Sous les premiers murmures de l'hiver, le désir nous harcèle. On coupe par les ruelles. Ça fait tellement longtemps qu'on s'attend. La nuit s'annonce si chaude et si belle. Joue rouge, boréal. Tes couettes noires virent au blanc comme l'asphalte. Il tombe des peaux de lièvre sur Montréal. Une pièce tellement à propos en ce jour d'été, les peaux de lièvre de Tricot Machine. La raison que je fais passer du Tricot Machine à cette heure-ci de votre fin de semaine ou presque, c'est parce que je suis allé voir le spectacle de Tricot Machine à l'Embuscade le jeudi 5 juillet 2007 et j'ai eu beaucoup de plaisir. Premièrement, la place était mais complètement remplie. J'étais près de la porte à l'arrière complètement de l'Embuscade, qui est déjà une petite place en général et en temps normal avec le bar énorme au milieu de la place. Donc c'est ça, il performait un petit peu à côté du bar, je dirais. J'étais dans la porte à côté, donc tout le monde me fonçait dedans au moins une centaine de fois dans le spectacle, ce qui m'a pas empêché de savourer la musique de Catherine et Mathieu. C'était tellement bon. Ils ont commencé évidemment par l'introduction de l'album, hein, introduction au Tricot Machine, mais en version allongée, avec beaucoup plus de paroles, pièces que j'aurais aimé entendre au complet sur l'album. Malheureusement, ça va être que dans ma mémoire. Les instructions sur comment tricoter, faire attention, ça fait un bruit à un moment donné, en tout cas. Donc ça, c'était très le fun. Ils ont fait trois pièces bonus qui ne sont pas sur l'album. Une qui parlait d'autoroute, une qui parlait de la semaine des 4 jeudis, qui était assez cocasse. J'ai aimé le fait que Catherine Leduc, la chanteuse de Tricot Machine, a fait des liens entre chaque pièce. Donc, il y avait des genres de petits sketchs, des petites références, soit à Trois-Rivières ou soit à leur vie, à leur chicane de couple pour introduire une pièce. Il y avait toujours un jeu de mots qu'un des deux faisait pour amener la pièce. C'était très divertissant. C'était seulement les deux personnes, Catherine et Mathieu, sur la scène comme ça de l'embuscade. Mathieu au piano et puis Catherine avec un genre de cymbale ou en tout cas un genre de gong dont elle se servait pendant le spectacle pour agrémenter un petit peu avec sa petite touche comme ça quand ça lui tentait dans la pièce. Voix toujours absolument géniale des deux côtés. Catherine avec sa voix très très particulière. Mathieu avec sa très bonne voix de chanson. J'aime vraiment ça comment ils chantent. Il y avait un divan apparemment sur la scène. Moi, j'ai pas pu voir la scène parce que j'étais, comme je disais, dans la porte avec un haut-parleur devant moi. Donc, je devais me tasser pour voir Catherine, mais quand même, c'est pas la faute du groupe, c'est la faute de l'embuscade qui est très mal configurée pour faire un spectacle, selon moi. Il y avait beaucoup de gens sur la petite terrasse en arrière de l'embuscade qui était plaisant pour eux. J'en suis certain. Donc, c'est ça, les pièces très bien faites, très fidèles à l'album, mais en même temps, tellement remplies d'énergie, ça se voyait que les deux étaient vraiment heureux d'être de retour à Trois-Rivières, qui est leur ville natale. Donc, ça se voyait. Ils avaient l'air d'apprécier le fait que les gens écoutent vraiment la musique et même chantent avec eux pendant la plupart des pièces, les pièces les plus connues, les plus aimées des gens. En tout cas, semble que c'était la plupart des pièces de l'album. Je crois qu'ils ont fait toutes les pièces. En tout cas, à ma mémoire, ça devait être toutes les pièces. Peut-être une ou deux que je me suis pas rappelé. Je me rappelle qu'ils ont fait ma préférée, l'histoire des mitaines. Ils ont fait la pièce Ambulance, qui a évidemment fait effet à pas mal tout le monde dans la salle. Je pense que tout le monde a eu la chair de poule pour avoir cette pièce-là, Ambulance, Roman Savon, qui m'a marqué aussi. Donc, j'ai trouvé ça absolument fantastique. Ils vendaient des t-shirts. Ils ont vendu tous leurs t-shirts. Tout leur CD ou le... En tout cas, il me semble que c'est... Ouais, je pense que c'était tout leur CD. J'ai acheté les deux. Je pouvais pas faire autrement que de m'acheter pour vrai l'album de Tricot Machine au lieu de seulement piquer celui de la station. Donc voilà, très très bon spectacle de Tricot Machine à l'Embuscade qui était le 5 juillet. C'était un jeudi soir. C'était très beau. Ailleurs, toujours à l'Embuscade ce soir, si vous écoutez live le vendredi 6, c'est Yann Perrault. Et demain soir, samedi, le 7, c'est Call Me Poupée. Il faut absolument être là pour ça. Ça fait le tour, c'est un très très bon spectacle. Il va être de retour le 1er décembre à la Maison de la Culture, si je me rappelle bien de la date. Il me semble que c'était ça le 1er décembre. Je vais me renseigner pendant qu'on s'en va entendre une autre pièce. J'ai pas le choix de prendre des pièces qui ont joué sur le palmarès de Tricot Machine parce que c'est un petit peu l'idée de l'émission. Donc voici une pièce qu'il a quittée très très récemment. C'est Ambulance tout de suite de Tricot Machine au palmarès. C'est fou! Au 89.1 FM jusqu'à dans 13 minutes environ avec Mathieu Plante. Jeudi 4h30, le klaxon perd patience. Autoroute des caries, y'a plus personne qui avance. Les sirènes se font entendre par intermittence. Entre les tôles brûlantes, souffle une ambulance. Avec collé au cul, une étrange excroissance. Un gars pas mal sensu, dans une Cadillac blanche. Conducteur profiteur, qui se contrebalance. Fait triver au bumper d'un véhicule d'urgence. Tout ce qui compte pour lui, c'est de trouver sa cadence. Que t'attirer profit du mal et de la souffrance. Il ne souhaite qu'une seule chose, c'est partir en vacances. Le malheur des autres sera sa délivrance. Le gars dans l'air de pointe qui collait l'ambulance se croyait le plus fin. À chacun de faire sa chance. Le gars dans l'heure de pointe avec son arrogance oubliait que le destin prend toujours sa revanche. Tout autour de lui, les klaxons crient vengeance. Jugement ou jalousie, un étrange mélange. Il fait semblant de rien, totale indifférence. Petit sourire en coin, monte le son à outrance. Mais c'est le prix à payer pour que les choses avancent. Ses oreilles qui bourdonnent, cet impact qui élance. Son cellulaire qui sonne, y'en a même pas connaissance. Le gars dans l'heure de pointe qui collait l'ambulance se croyait le plus fin. Chacun de faire sa chance. Le gars dans l'heure de pointe, avec son arrogance, oubliait que le destin prend toujours sa revanche. Paraît qu'il faut se méfier de ses propres manigances. Paraît que ça peut nous mener jusqu'à la démence. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est pas juste des croyances. Parlez-en donc au gars de la grosse Cadillac blanche. Le destin l'a frappé, rendu à sa résidence. Quand il a pris ses messages, laissé à son absence. J'suis un collègue de votre femme, à une défaillance. Prise de cœur 9-1, est parti pour l'urgence. Le destin a voulu, quelle coïncidence. Qu'il suivait sans le savoir, sa blonde dans l'ambulance. Le destin a gâché, bien plus que ses vacances. Que sa blonde en prendra plus, toutes mes condoléances. Des 16 meilleures pièces de Tricot Machine de leur album éponyme, c'était Ambulance. dans les palmarès, c'est fou parce que le spectacle de Tricot Machine était le 5 juillet à l'Embuscade et c'était gratuit. Imaginez un spectacle gratuit aussi bon, on peut pas demander mieux, je pense. On peut pas. On pourrait, mais ça marcherait pas. C'est ça. Donc, on est rendu presque à la fin de l'émission. Il reste à peine 10 minutes pour couvrir les premières positions. Je ne les nomme pas, évidemment, mais vous allez certainement vous rendre compte de qu'est-ce que c'est, une après l'autre, des groupes que vous n'avez pas encore entendus. Je pense que c'est tellement bon que vous allez devoir reprendre votre souffle parce que vous allez sûrement manquer d'air, hein? Et vous allez certainement vouloir sortir avec une fille qui joue de la guitare, j'imagine. Mais bon, ce n'est que des suppositions. Voici le numéro anglophone remonté d'une place, 7e semaine de présence au Palmarès C'est Fou, au 89.1 FM. La Radio Campus de Trois-Rivières, restez là à 20h. Ça va être la dernière porte à gauche le vendredi soir. Et le jeudi, ça va être OK, nous là. Restez là sur C'est Fou 89.1 FM. Day 365 days watching me decay. We used to talk about girls who play guitars. We used to talk about plans in tiny bars. In the gaps between words are the things that really intrigue me. It's the gasps and the sighs that say more about what's inside you. We used to climb up on a high horse every time. We used to talk about boys with missing spines. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her to pause for 1 minute. It's her. Excess just led to boredom. You've lived your life with your mouth wide open. It's her life and her life is worth living. It's her life. It never struck her just to pass for 1 minute. It's her Park avec Girls Who Play Guitar, le numéro 1 anglophone remonté d'une place au Palmarès C'est Fou. Il nous reste seulement le numéro 1 francophone, mais avant, comme vous le savez, les vendredis soirs, ce qui nous suit à 20h, c'est la dernière porte à gauche. Et Kiwan est avec nous pour nous en parler. Bonjour. Salut Mathieu, ça va bien? Très bien, et toi? Oui, ça va très bien. T'as pas vu Tricot Machine, toi? Ben, j'ai manqué ça, moi, parce que je travaillais à matin à 3h du matin, comprends-tu? Fait que c'était pas évident de revoir ça. C'était à 11h. C'était à 11h, ça a fini tard. Ça a sûrement fini par les minuit et demi, 1h. En tout cas, placote dehors avec la gang du groupe. Ben, gang de deux. Ouais, c'est le couple. C'est ça, grosse gang. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à la dernière porte à gauche ce soir, Kiwan? Ben, ce soir, en musique, il va y avoir entre autres du Xavier Caféine, Diane Perrault. Thématique art vocal, ils sont dans le spectacle ce soir. Il va y avoir aussi du Olinéa, il va y avoir du Jésus Bench 400 livres. Yeah. Puis il va y avoir plein d'autres trucs, Mathieu. Jésus Bench 400 livres à la dernière porte à gauche, ça va être génial. Ouais, il va même avoir une anecdote à propos de Jésus Bench 400 livres, une tranche de vie. J'ai très très hâte d'entendre ça, pour vrai. Donc c'était la dernière porte à gauche, c'est quand ça? Ben c'est les vendredis soirs à 20h ou sinon en rediffusion les samedis et mardis à 17h. Absolument, on va être là comme à chaque semaine. Je vais faire un petit résumé de ce qu'on a entendu en troisième heure. Donc, cinquième position, francophone, c'est Pépé avec Bobette Bob. Quatrième, les Ghouls avec Dimanche. Troisième, les Prostiputes avec Goutte à mon Bubblegum. Deuxième, c'est les Amis au Pakistan avec Cendrillon, Lave le poil. Et en première, c'est Air avec Mère du Japon. Du côté anglophone, cinquième, The Answer, Under the Sky. Quatrième, Feist, My Moon, My Man. Troisième, Metric, Grow Up and Blow Away. Deuxième, Los Campesinos et We Throw Parties, You Throw Knives. Et on vient d'entendre Maximo Park avec Girls Who Play Guitar. Je viens de vous révéler comme ça le numéro 1 francophone. On termine avec Air et Mère du Japon. De la part de Simon Belle-Rose, de Jack Despalmarès, de notre public en studio et de moi-même Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance.